Le lundi 8 mai, ici Dominique Lelièvre et vos informations. L'ancienne ministre libérale Nathalie Normandeau et ses 6 co-accusés ne subiront pas d'enquête préliminaire. La couronne a déposé ce matin un acte d'accusation directe qui a pour effet d'annuler l'enquête qui devait durer 5 semaines et permettre de tester la preuve. Une rare procédure qui fait fulminer les avocats de la défense. Ce rebondissement permettra de passer directement à l'étape du procès qui sera réalisé devant jury. Il faudra cependant attendre au mois de septembre avant de connaître les suites de ce dossier. La crue des eaux a atteint son niveau maximal au Québec, selon le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux. Il s'attend à un rétablissement progressif de la situation à partir du milieu de la semaine. Quelques 150 municipalités, 2400 résidences et 1500 personnes sont aux prises avec des inondations majeures, principalement dans le sud-ouest de la province, mais également dans l'est. En Gaspésie, un homme dans la trentaine et une fillette de 2 ans sont portés disparus après que leur voiture ait été emportée dimanche par la rivière Sainte-Anne. Une troisième occupante a pu rejoindre la rive à la nage. Selon le quotidien Le Soleil, les occupants se sont d'abord réfugiés sur le toit du véhicule avant d'être emportés par le courant. À l'Assemblée nationale, Philippe Couillard envisage de suspendre les travaux pour faire face aux inondations. Le premier ministre se trouvait ce matin au Saguenay et il est attendu plus tard aujourd'hui en Outaouais pour constater l'ampleur des dégâts. Mentionnons enfin qu'un contingent d'une centaine de militaires a quitté ce matin la base de Valcartier en direction de la Mauricie, portant à plus de 1600 le nombre de militaires déployés partout en province. Élections françaises, enfin, les ressortissants de la région de Québec ont voté massivement pour le centriste Emmanuel Macron. 4 expatriés sur 5 lui ont accordé leur confiance lors du scrutin samedi qui affiche un taux de participation de 42%. L'ancien ministre français de l'économie l'a finalement emporté en France avec un total de 66% des voix contre 34% pour Marine Le Pen. Les Français rejettent ainsi l'extrême droite et renouvellent leur confiance dans l'Union européenne. Mais le niveau très élevé d'abstention témoigne des divisions qui persistent dans l'Hexagone. Printemps, été, automne, hiver, météo. 6 degrés avec de la pluie intermittente, c'est le topo pour la journée d'aujourd'hui, lundi. Ce sera plutôt froid cette nuit avec 1 degré. On nous prévoit cette nuit de la pluie en intermittence ou de la neige. Et il y a même un bulletin météorologique spécial qui est en vigueur pour du gel par endroit sur le sud de la province. Demain mardi, 9 degrés, possibilité d'averse, 40% de possibilité d'averse. Mercredi, de la pluie également.